Négro, ouais. Tu vois ce qui se passe. Tu veux nous tester. Amène tous tes fusils, négro. Tu veux nous chercher. Appelle plus que l'Interpol, négro. Tu veux nous tester. Appelle l'ONU ou l'armée américaine. Tu veux nous chercher. Tu vois ce que je veux dire. Tu veux nous tester. Amène tous tes fusils, négro. Tu veux nous chercher. Appelle plus que l'Interpol, négro. Tu veux nous tester. Appelle l'ONU ou l'armée américaine. Tu veux nous chercher. Tu vois ce que je veux dire. Usé dans les couilles, on est comme ça. Ouais. Drug dealer avec 2-3 lobes, ça. Ouais. Rien à foutre, tu réécoutes toute la journée. Si t'es bonne, même si t'es keuf, je te fais tourner. Monnaie dans le cerveau, des graveurs. Alibi la montagne, jamais à l'heure. Jamais. J'aime les bonnets qui cachent l'identité. On voit pas tes comme mec, j'sais pas qui t'es. Tu veux de la blanche dans le zen comme Johnny. Viens pas nous voir s'il te manque de la money. Non, t'as pas les couilles pour vivre dans la jingle. Back en single, appelle-moi Benny Siegel. La street c'est qui la porte sur le dos. Tous les jours baisse les fachos de commando. Qui est né hustler, les au naturel. Ouais. Toi tu mets de la crème pour devenir plus rebelle. Tu veux nous tester. Amène tous tes fusils, négro. Tu veux nous chercher. Amène plus que l'Interpol, négro. Tu veux nous tester. Appelle l'ONU ou l'armée américaine. Tu veux nous chercher. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce qui se passe. Tu veux nous tester. Amène tous tes fusils, négro. Tu veux nous chercher. Amène plus que l'Interpol, négro. Tu veux nous tester. Appelle l'ONU ou l'armée américaine. Tu veux nous chercher. Tu vois ce que je veux dire. Chef de bande criminalisé. Les bleus ou les rouges, je contrôle à ma guise. Influence même les francs-maçons de race blanche. Avec mon rap de Texan, comme le Ku Klux Klan, je pote le cul de ces petits négros. Comme un rebelle de l'Angola, et m'empare des diamants pour les vendre aux Belges. Avec mon rap Netanyahou, dans les cités, certains m'appellent le vendu. Mais j'en ai rien à cirer, tout ce qui m'intéresse est la nouvelle Bugatti avec deux blanches qui me siphonnent le manche. Tu vois ce que je veux dire, négro, en plus je leur viens dans la gueule. Ces putes sont sur les pilules, ma gueule. C'est livrant à fond, juste pour passer quelques moments avec leur line-up. T'en vois ce qui se passe, petit pédé négro. Tu veux nous tester. Amène tous tes fusils, négro. Tu veux nous chercher. Appelle plus que l'Interpol, négro. Tu veux nous tester. Appelle l'ONU ou l'armée américaine. Tu veux nous chercher. Tu vois ce que je veux dire. Ok. Tu veux nous tester. Amène tous tes fusils, négro. Tu veux nous chercher. Appelle plus que l'Interpol, négro. Tu veux nous tester. Appelle l'ONU ou l'armée américaine. Tu veux nous chercher. Tu vois ce que je veux dire.